il ne s'en est aperçu. Une belle cravate, un beau complet. Chez le peuple, c'est tout ce qui plaît. C'est l'image. C'est l'image.